Carol Flanders, 21e partie. Le Mercier d'abord le prit de très haut avec le commissaire. Mais comme il se trouva que ce commissaire n'était point un officier à gages, mais une bonne espèce d'homme bien solide, je crois qu'il était grainetier, et de bon sens, il ne voulut pas démordre de son affaire et refusa de me décharger sans m'avoir mené devant un juge de paix, et j'y insistai aussi. Quand le Mercier vit cela, « Eh bien, dit-il au commissaire, menez-la donc où il vous plaira, je n'ai rien à lui dire. » « Mais monsieur, dit le commissaire, j'espère bien que vous viendrez avec nous, puisque c'est vous qui me l'avez mandé. » « Non, par ma foi, dit le Mercier, je vous répète que je n'ai rien à lui dire. » « Pardonnez-moi, monsieur, mais il le faut, dit le commissaire. Je vous en prie, dans votre propre intérêt, le juge ne peut rien faire sans vous. « S'il vous plaît, mon ami, dit le Mercier, allez à vos affaires. Je vous dis encore une fois que je n'ai rien à dire à cette dame. » Au nom du roi, je vous ordonne de la relâcher. Monsieur, dit le commissaire, je vois bien que vous ne savez point ce que c'est que d'être commissaire. Je vous supplie de ne pas m'obliger à vous rudoyer. Voilà qui est inutile, dit le Mercier, car vous me rudoyez assez déjà. Non, monsieur, dit le commissaire, je ne vous rudoie point. Vous avez enfreint la paix en menant une honnête femme hors de la rue, où elle était à ses affaires, en la confinant dans votre boutique et en la faisant maltraiter ici par vos valets. Et à cette heure, vous dites que je vous rudoie? Je crois montrer beaucoup de civilité, vraiment, en ne vous ordonnant pas de m'accompagner, au nom du roi, requérant tout homme que je verrai passer votre porte de me prêter aide et assistance pour vous emmener par force. Voilà ce que j'ai pouvoir de faire, et vous ne l'ignorez point. Pourtant, je m'en abstiens, et une fois encore, je vous prie de venir avec moi. » Eh bien, malgré tout ce discours, il refusa et parla grossièrement au commissaire. Toutefois, le commissaire ne changea point d'humeur et ne se laissa pas irriter. Et alors je m'entremis et je dis, « Allez, monsieur le commissaire, laissez-lui la paix. Je trouverai des moyens assez pour l'amener devant un magistrat, n'ayez crainte. » « Mais voilà cet individu, dis-je, c'est l'homme qui m'a saisi au moment que je passais innocemment dans la rue. Et vous êtes témoin de sa violence à mon endroit depuis. Permettez-moi, je vous prie, de vous le mander afin que vous l'emmeniez devant un juge. » « Oui, madame, dit le commissaire. » Et, se tournant vers l'homme, « Allons, mon jeune monsieur, dit-il au compagnon, il faut venir avec nous. J'espère que vous n'êtes pas, comme votre maître, au-dessus du pouvoir du commissaire. » Cet homme prit un air de voleur condamné et se recula, puis regarda son maître comme s'il eût pu l'aider. Et l'autre, comme un sot, l'encouragea à l'insolence. Et lui, en vérité, résista au commissaire et le repoussa de toutes ses forces au moment qu'il allait pour le saisir. D'où le commissaire le renversa par terre sur le cou et appela à l'aide. Immédiatement, la boutique fut pleine de gens et le commissaire saisit maître, compagnon et tous les valets. La première mauvaise conséquence de ce tumulte fut que la femme qui était vraiment la voleuse se sauva et se perdit dans la foule, ainsi que deux autres qu'ils avaient arrêtés aussi. Cela était-il vraiment coupable ou non, je n'en pus rien dire. Cependant, quelques-uns de ses voisins étant entrés, et voyant comment allaient les choses, s'était efforcé de ramener le Mercier dans son sens. et il commença d'être convaincu qu'il était dans son tort. De sorte qu'enfin nous allâmes tous bien tranquillement devant le juge avec une queue d'environ 500 personnes sur nos talons. Et tout le long de la route, j'entendais les gens qui demandaient « Qu'est-ce qu'il y a ?» et d'autres qui répondaient « C'est un mercier qui avait arrêté une dame à la place d'une voleuse. Et après, la voleuse a été prise, et maintenant, c'est la dame qui a fait prendre le mercier pour l'amener devant la justice. » Ceci charmait étrangement la populace, et la foule augmentait à vue d'œil, et ils criaient pendant que nous marchions. « Où est-il le coquin ? Où est-il le mercier ?» et particulièrement les femmes. Puis, quand elles le voyaient, elles s'écriaient « Le voilà ! Le voilà !» Et tous les moments, il lui arrivait un bon paquet de boue. Et ainsi nous marchâmes assez longtemps, jusqu'enfin le mercier crut bon de prier le commissaire d'appeler un carrosse pour le protéger de la canaille. Si bien que nous fîmes le reste de la route en voiture, le commissaire et moi, et le mercier et le compagnon. Quand nous arrivâmes devant le juge, qui était un ancien gentilhomme de Bloomsbury, le commissaire ayant d'abord sommairement rendu compte de l'affaire, le juge me pria de parler et d'articuler ce que j'avais à dire. Et d'abord il me demanda mon nom, que j'étais très répugnante à donner, mais il n'y avait point de remède. De sorte que je lui dis que mon nom était Mary Flanders, que j'étais veuve, mon mari, qui était capitaine marin, étant mort pendant un voyage en Virginie, et d'autres circonstances que j'ajoutais et auxquelles il ne pourrait jamais contredire, et que je logeais à présent en ville avec telle personne, nommant ma gouvernante, mais que je me préparais à partir pour l'Amérique où se trouvaient les effets de mon mari, et que j'allais ce jour-là pour m'acheter des vêtements afin de m'habiller en demi-deuil, mais que je n'étais encore entré dans aucune boutique lorsque cet individu, désignant le compagnon du mercier, s'était rué tout courant sur moi avec tant de furie que j'avais été bien effrayé, et m'avait emmené à la boutique de son maître, où, malgré que son maître reconnût que je n'étais point la personne, il n'avait pas voulu me relâcher, mais m'avait mandé à un commissaire. Puis je continuai à dire la façon en laquelle les compagnons merciers m'avaient traité, comment ils n'avaient point voulu souffrir que j'envoyasse chercher aucun de mes amis, comment ensuite ils avaient trouvé la vraie voleuse sur laquelle ils avaient retrouvé les marchandises volées et tous les détails comme il a été dit. Puis le commissaire exposa son cas. Son dialogue avec le mercier au sujet de ma mise en liberté et enfin le refus qu'avait fait son valet de l'accompagner quand je le lui avais mandé et les encouragements que son maître lui avait donnés là-dessus. Comment enfin il avait frappé le commissaire et tout le reste ainsi que je l'ai déjà raconté. Le juge ensuite écouta le mercier et son compagnon. Le mercier vraiment fit une longue harangue sur la grande perte qu'ils subissent journellement par les filous et les voleurs, qu'il leur était facile de se tromper, et que, lorsqu'il avait découvert son erreur, il avait voulu me relâcher, etc., comme ci-dessus. Quant au compagnon, il eut bien peu à dire, sinon qu'il prétendit que les autres lui avaient dit que j'étais vraiment la personne. Sur le tout, le juge me dit d'abord fort civilement que j'étais déchargé, qu'il était bien fâché que le compagnon du mercier eût mis si peu de discrétion dans l'ardeur de sa poursuite que de prendre une personne innocente pour une coupable. Que s'il n'avait point eu l'injustice de me retenir ensuite, il était persuadé que j'eusse pardonné le premier affront. Que toutefois il n'était pas en son pouvoir de me donner réparation, autrement que par une réprimande publique qu'il leur adresserait ce qu'il allait faire. Mais qu'il supposait que j'userais de telles méthodes que m'indiquait la loi. Que cependant il allait le lier par serment. Mais pour ce qui est de l'infraction à la paix commise par le compagnon, il me dit qu'il me donnerait satisfaction là-dessus, puisqu'il l'enverrait à Newgate pour avoir assailli le commissaire ainsi que pour m'avoir assailli moi-même. En effet, il envoya cet homme à Newgate pour cet assaut, et son maître donna caution, et puis nous partîmes. Mais j'eus la satisfaction de voir la foule les attendre tous deux, comme ils sortaient, huant et jetant des pierres et de la boue dans les carrosses où ils étaient montés. Et puis je rentrai chez moi. Après cette bousculade, voici que je rentre à la maison et que je raconte l'affaire à ma gouvernante, et elle se met à me rire à la figure. Qu'est-ce qui vous donna tant de gaieté? Dis-je. Il n'y a pas lieu de rire si fort de cette histoire que vous vous l'imaginez. Je vous assure que j'ai été bien secouée et effrayée aussi par une bande de vilains coquins. Pourquoi je ris? Dit ma gouvernante. Je ris, mon enfant, de la chance que tu as. Voilà un coup qui sera la meilleure aubaine que tu aies faite de ta vie, si tu sais t'y prendre. Je te promets que tu feras payer au mercier 500 livres de dommages intérêts, sans compter ce que tu tireras du compagnon. J'avais d'autres pensées là-dessus qu'elle, et surtout à cause que j'avais donné mon nom au juge de paix, et je savais que mon nom était si bien connu parmi les gens de Hicks Hall, Old Bailey et autres lieux semblables, que si cette cause venait à être jugée publiquement, et qu'on eût l'idée de faire enquête sur mon nom, aucune cour ne m'accorderait de dommages, ayant la réputation d'une personne de tel caractère. Cependant, je fus obligé de commencer un procès en forme, et en conséquence ma gouvernante me découvrit un homme de confiance pour le mener, étant un avoué qui faisait de très bonnes affaires et qui avait bonne réputation. En quoi elle eut certainement raison, car si elle eut employé quelque aigrefin de chicane ou un homme point connu, je n'aurais obtenu que bien peu, au lieu qu'il en coûta finalement au mercier 200 livres et plus, avec un souper qu'il fut forcé de nous offrir par-dessus le marché, à ma gouvernante, à l'avocat et à moi. Ce ne fut pas longtemps après que l'affaire avec le mercier fut arrangée que je sortis dans un équipage bien différent de tous ceux où j'avais paru avant. Je m'habillai comme une mendiante des haillons les plus grossiers et les plus méprisables que je pus trouver, et j'errai çà et là, épiant et guettant à toutes les portes et fenêtres que j'approchai. Et en vérité, j'étais en une telle condition maintenant que je savais aussi mal m'y maintenir que jamais je fis en aucune. J'avais une horreur naturelle de la saleté et des haillons. J'avais été élevé nettement et strictement, et ne pouvais point être autre en quelque état que je fusse. De sorte que ce me fut le déguisement le plus déplaisant que jamais je portais. Je me dis tout à l'heure que je n'y pourrais rien profiter, car c'était un habit qui faisait fuir et que tout le monde redoutait. Et je pensais que chacun me regarda comme s'il eût peur que je m'approchasse, de crainte que je ne lui ôtasse quelque chose, ou peur de m'approcher, de crainte que rien de moi ne passât sur lui. J'errai tout le soir la première fois que je sortis, et je ne fis rien, et je rentrai à la maison, mouillée, boueuse et lasse. Toutefois, je ressortis la nuit suivante, et alors je rencontrai une petite aventure qui pensa me coûter très cher. Comme je me tenais à la porte d'une taverne, voici venir un gentilhomme à cheval qui descend à la porte, et, voulant entrer dans la taverne, il appelle un des garçons pour lui tenir son cheval. Il demeura assez longtemps dans la taverne, et le garçon entendit son maître qui l'appelait, et, pensant qu'il fût fâché, et me voyant debout près de lui, m'appela. « Tenez, bonne femme, dit-il, gardez ce cheval un instant, tandis que j'entre. Si le gentilhomme revient, il vous donnera quelque chose. » « Oui, dis-je, et je prends le cheval et l'emmène tranquillement et le conduis à ma gouvernante. S'aurait été là une aubaine pour ceux qui s'y fussent entendus. Mais jamais pauvre voleur ne fut plus embarrassé de savoir ce qu'il fallait faire de son vol. Car lorsque je rentrai, ma gouvernante fut toute confondue, et aucune de nous ne savait ce qu'il fallait faire de cette bête. L'envoyer à une étable était insensé, car il était certain qu'avis en serait donné dans la gazette avec la description du cheval, de sorte que nous n'oserions pas aller le reprendre. Tout le remède que nous trouvâmes à cette malheureuse aventure fut de mener le cheval dans une hôtellerie et d'envoyer un billet par un commissaire à la taverne pour dire que le cheval du gentilhomme qui avait été perdu à telle heure se trouvait dans telle taverne et qu'on pourrait l'y venir chercher, que la pauvre femme qui le tenait, l'ayant mené par la rue, et incapable de le reconduire, l'avait laissé là. Nous aurions pu attendre que le propriétaire eût fait publier et offrir une récompense, mais nous n'osâmes pas nous aventurer à la recevoir. Ce fut donc là un vol et point un vol, car peu de chose y fut perdue et rien n'y fut gagné. Et je me sentis excédé de sortir en haillons de mendiante. Cela ne faisait point du tout l'affaire, et d'ailleurs j'en tirais des pressentiments menaçants. Tandis que j'étais en ce déguisement, je rencontrai une société de gens de la pire espèce que j'ai jamais fréquentée, et je vins à connaître un peu leurs façons. C'étaient des faux monnayeurs. Et ils me firent de très bonnes offres pour ce qui était du profit, mais la partie où ils voulaient que je m'embarquasse était la plus dangereuse. Je veux dire, le façonnage du faux coin, comme ils l'appellent, où, si j'eusse été prise, j'eusse rencontré mort certaine, mort au poteau, dis-je. J'eusse été brûlée à mort, attachée au poteau. Si bien que, malgré qu'en apparence je ne fusse qu'une mendiante, et qu'ils m'eussent promis des montagnes d'or et d'argent pour m'attirer, pourtant je n'y voulus rien faire. Il est vrai que si j'eusse été réellement une mendiante ou désespérée, ainsi que lorsque je débutais, je me fusse peut-être jointe à eux, car se soucie-t-on de mourir quand on ne sait point comment vivre. Mais à présent, telle n'était pas ma condition. Au moins ne voulais-je point courir de si terribles risques. D'ailleurs, la seule pensée d'être brûlée au poteau jetait la terreur jusque dans mon âme, me gelait le sang et me donnait les vapeurs à un tel degré que je n'y pouvais penser sans trembler. Ceci mit fin en même temps à mon déguisement, car malgré que leur offre me déplut, pourtant je n'osais leur dire, mais parus m'y complaire et promis de les revoir. Mais je n'osais jamais aller les retrouver, car si je les eusse vus sans accepter, et malgré que j'eusse refusé avec les plus grandes assurances de secret qui fussent au monde, ils eussent été bien près de m'assassiner pour être sûrs de leur affaire et avoir de la tranquillité, comme ils disent. Quelle sorte de tranquillité, ceux-là le jugeront le mieux qui entendent comment des gens peuvent être tranquilles qui en assassinent d'autres pour échapper au danger. Mais enfin, je rencontrai une femme qui m'avait souvent dit les aventures qu'elle faisait, et avec succès, sur le bord de l'eau, et je me joignais à elle, et nous menâmes assez bien nos affaires. Un jour, nous vîmes parmi des Hollandaises à Sainte-Catherine, où nous allâmes, sous couleur d'acheter des effets qui avaient été débarqués secrètement. Je fus deux ou trois fois en une maison, où nous vîmes bonne quantité de marchandises prohibées, et une fois, ma camarade emporta trois pièces de soie noire de Hollande, qui se trouvèrent de bonne prise, et j'en eus ma part. Mais dans toutes les excursions que je tentais seule, je ne pus trouver l'occasion de rien faire, si bien que j'abandonnai la partie, car on m'y avait vu si souvent qu'on commençait à se douter de quelque chose. Voilà qui me déconcerta un peu, et je résolus de me pousser de côté ou d'autre, car je n'étais point accoutumée à rentrer si souvent sans aubaine. De sorte que le lendemain, je pris de beaux habits et m'en allai à l'autre bout de la ville. Je passai à travers l'Exchange dans le Strand, mais n'avais point d'idée d'y rien trouver, quand soudain je vis un grand attroupement, et tout le monde, boutiquiers autant que les autres, debout et regardant du même côté. Et qu'était-ce, sinon quelque grande duchesse qui entrait dans l'Exchange, et on disait que la reine allait venir. Je me portai tout près du côté d'une boutique, le dos tourné au comptoir, comme pour laisser passer la foule, quand, tenant les yeux sur un paquet de dentelles que le boutiquier montrait à des dames qui se trouvaient près de moi, le boutiquier et sa servante se trouvèrent si occupés à regarder pour voir qui allait venir et dans quelle boutique on entrerait, que je trouvai le moyen de glisser un paquet de dentelles dans ma poche et de l'emporter tout net, si bien que la modiste paya assez cher pour avoir bâillé à la reine. Je m'écartai de la boutique comme repoussé par la presse, et me mêlant à la foule, je sortis à l'autre porte de l'Exchange et ainsi décampé, avant qu'on s'aperçût que la dentelle avait disparu, et à cause que je ne voulais pas être suivi, j'appelai un carrosse et m'y enfermai. J'avais à peine fermé les portières du carrosse que je vis la fille du marchand de mode et cinq ou six autres qui s'en allaient en courant dans la rue et qui criaient comme en frayeur. Elle ne criait pas au voleur, parce que personne ne se sauvait, mais j'entendis bien les mots « voler » et « dentelle » deux ou trois fois, et je vis la fille se tordre les mains et courir çà et là, les yeux égarés comme une hors du sens. Le cocher qui m'avait prise montait sur son siège, mais n'était pas tout à fait monté, et les chevaux n'avaient pas encore bougé, de sorte que j'étais terriblement inquiète, et je pris le paquet de dentelles, toute prête à le laisser tomber par le vasistas du carrosse qui s'ouvre par devant, justement derrière le cocher. Mais, à ma grande joie, en moins d'une minute, le carrosse se mit en mouvement, c'est à savoir aussitôt que le cocher fut monté et eut parlé à ses chevaux, de sorte qu'il partit, et j'emportai mon butin, qui valait près de 20 livres. J'étais maintenant dans une bonne condition, en vérité, si j'eusse connu le moment où il fallait cesser. Et ma gouvernante disait souvent que j'étais la plus riche dans le métier en Angleterre. Et je crois bien que je l'étais. 700 livres d'argent, outre des habits, des bagues, quelques vaisselles plates et 2 montres d'or, le tout volé, car j'avais fait d'innombrables coups, outre ce que j'ai dit. Oh, si même maintenant j'avais été touchée par la grâce du repentir, j'aurais encore eu le loisir de réfléchir sur mes folies et de faire quelques réparations. Mais la satisfaction que je devais donner pour le mal public que j'avais fait était encore à venir. Et je ne pouvais m'empêcher de faire mes sorties, comme je disais maintenant, non plus qu'au jour où c'était mon extrémité vraiment qui me tirait dehors pour aller chercher mon pain. Un jour, je mis de très beaux habits et j'allai me promener. Mais rien ne se présenta jusqu'à ce que je vins dans St. James Park. Je vis abondance de belles dames qui marchaient tout le long du mail, et parmi les autres, il y avait une petite demoiselle, jeune dame d'environ 12 ou 13 ans, et elle avait une sœur, comme je supposais, près d'elle, qui pouvait bien en avoir 9. J'observai que la plus grande avait une belle montre d'or et un joli collier de perles. Et elles étaient accompagnées d'un laquais en livrée. Mais comme il n'est pas d'usage que les laquais marchent derrière les dames dans le mail, aussi je notai que le laquais s'arrêta comme elles entraient dans le mail, et l'aînée des sœurs lui parla pour lui ordonner d'être là sans faute quand elle retournerait. Quand je l'entendis congédier son valet de pied, je m'avançai vers lui et lui demandai quelle petite dame c'était là. Et je bavardai un peu avec lui, disant que c'était une bien jolie enfant qui était avec elle et combien l'aînée aurait bonne façon et tenue modeste. Comme elle aurait l'air d'une petite femme, comme elle était sérieuse, et l'imbécile ne tarda pas à me dire qui elle était, que c'était la fille aînée de Sir Thomas d'Essex, et qu'elle avait une grande fortune, que sa mère n'était pas encore arrivée en ville, mais qu'elle était avec Lady William en son logement de Suffolk Street, avec infiniment d'autres détails. Qu'ils entretenaient une fille de service et une femme de charge, outre le carrosse de Sir Thomas, le cocher, et lui-même, et que cette jeune dame menait tout le train de la maison, aussi bien ici que chez elle, et me dit abondance de choses, assez pour mon affaire. J'étais fort bien vêtue, et j'avais ma montre d'or tout comme elle, si bien que je quittai le valet de pied, et je me mets sur la même ligne que cette dame, ayant attendu qu'elle ait fait un tour dans le mail au moment qu'elle allait avancer. Au bout d'un instant, je la saluai en son nom par le titre de Lady Betty. Je lui demandai si elle avait des nouvelles de son père, quand madame sa mère allait venir en ville et comment elle allait. Je lui parlai si familièrement de toute sa famille qu'elle ne put mais que supposer que je les connaissais tous intimement. Je lui demandai comment il se faisait qu'elle fût sortie sans Madame Chime, c'était le nom de sa femme de charge, pour prendre soin de Madame Judith, qui était sa sœur. Puis j'entrai dans un long caquet avec elle sur le sujet de sa sœur. Quelle belle petite dame c'était, et lui demandai si elle avait appris le français et mille telles petites choses, quand soudain survinrent les gardes et la foule se rua pour voir passer le roi qui allait au parlement. Les dames coururent toutes d'un côté du mail, et j'aidai à Milady à se tenir sur le bord de la palissade du mail, afin qu'elle fût assez au pourvoir. Et je pris la petite que je levai dans mes bras. Pendant ce temps, je pris soin d'ôter si nettement sa montre d'or à Lady Betty, qu'elle ne s'aperçut point qu'elle lui manquait, jusqu'à ce que la foule se fût écoulée, et qu'elle fût revenue dans le milieu du mail. Je la quittai parmi la foule même, et lui dis, comme en grande hâte, « Chère Lady Betty, faites attention à votre petite sœur !» Et puis la foule me repoussa en quelque sorte, comme si je fusse fâchée de m'en aller ainsi. La presse en telles occasions est vite passée, et l'endroit se vide sitôt que le roi a disparu. Mais il y a toujours un grand attroupement et une forte poussée au moment même que le roi passe. Si bien qu'ayant lâché les deux petites dames et ayant fait mon affaire avec elles sans que rien de fâcheux ne survînt, je continuai de me serrer parmi la foule, feignant de courir pour voir le roi, et ainsi je me tins en avant de la foule jusqu'à ce que j'arrivai au bout du mail. Là, le roi continuant vers le quartier des gardes à cheval, je m'en allai dans le passage qui, à cette époque, traversait jusqu'à l'extrémité de Haymarket. Et là, je me payai un carrosse et je décampai, et j'avoue que je n'ai pas encore tenu ma parole, c'est à savoir d'aller rendre visite à Lady Betty. J'avais eu un instant l'idée de me risquer à rester avec Lady Betty jusqu'à ce qu'elle s'aperçût que sa montre était volée, et puis de m'écrier avec elle à haute voix et de l'amener à son carrosse et de monter en carrosse avec elle et de la reconduire chez elle. Car elle paraissait tant charmée de moi et si parfaitement dupée par l'aisance avec laquelle je lui parlais de tous ses parents et de sa famille que je pensais qu'il fût fort facile de pousser la chose plus loin et de mettre la main au moins sur le collier de perles. Mais quand je vins à penser que, malgré que l'enfant peut-être n'eût aucun soupçon, d'autres personnes en pourraient avoir, et que si on me fouillait, je serais découverte, je songeai qu'il valait mieux me sauver avec ce que j'avais déjà. J'appris plus tard par accident que lorsque la jeune dame s'aperçut que sa montre avait disparu, elle fit un grand cri dans le parc et envoya son laquais çà et là pour voir s'il pouvait me trouver. Elle m'ayant décrite avec une perfection telle qu'il reconnut sur-le-champ que c'était la même personne qui s'était arrêtée à causer si longtemps avec lui et qui lui avait fait tant de questions sur elle. Mais j'étais assez loin et hors de leur atteinte avant qu'elle pût arriver jusqu'à son laquais pour lui conter l'aventure. Je m'approche maintenant d'une nouvelle variété de vie. Endurcie par une longue race de crimes et un succès sans parallèle, je n'avais, ainsi que j'ai dit, aucune pensée de laisser un métier, lequel, s'il fallait en juger par l'exemple des autres, devait pourtant se terminer enfin par la misère et la douleur.